Vendredi 7 décembre 2012, vous écoutez La Vie en BD. Bon vendredi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30, comme à l'habitude, pour parler 9e art. Mais comme vous le savez également, l'émission s'est donné un mandat quand même un peu plus large que simplement la bande dessinée, ou qu'uniquement la bande dessinée, et notamment de lorgner vers l'illustration, vers le fanzine. Et c'est ce qu'on fera tout particulièrement ce vendredi. Puisque, vous le savez peut-être, mais donc demain et dimanche, donc les 8 et 9 décembre, il y a un événement qui s'appelle le Salon Nouveau Genre. C'est la 8e édition de cet événement-là. C'est essentiellement donc, un salon où on peut aller découvrir et se procurer des créations en tout genre. Ça va vers les métiers d'art, vers certains éléments liés aux arts visuels, à l'illustration, aux fanzines, à la musique, etc. Donc c'est assez large et évidemment, ben nous, là-dedans, il y a quelques éléments dans lesquels on se reconnaît. Et donc, on a décidé, comme à l'habitude, d'ailleurs, à chaque fois que cet événement-là a lieu, ben de convier deux des créateurs qui seront présents à l'événement à venir nous présenter un peu leur travail. Alors, pour cette édition de La Vie en BD, on aura l'occasion de parler fanzine, parler sérigraphie avec Marie Gilbert, qui était notamment connu pour sa participation au duo Les Rabousiers avec Olivier Bérère-Vidal, qu'on connaît bien ici à La Vie en BD, ancien collaborateur à l'émission. Et également, en deuxième partie d'émission, on aura l'occasion de discuter illustration et peinture avec Charles-Étienne Brochu. Alors voilà pour notre segment Salon Nouveau Genre de cette édition. Également, sinon, en matière de bande dessinée, on se posera des questions existentielles en fin d'émission avec Michel Giguère. Alors, on voit de plus en plus de nouveaux albums hybride apparaître. Et parfois, on peut se demander, ben, est-ce que c'est de la BD ou est-ce que c'est autre chose? Et au bout du compte, mais qu'est-ce que c'est de la BD aussi? Alors, on se posera la question avec lui. Donc, qu'est-ce qui fait qu'une BD est une BD? Et il n'y a pas qu'une réponse non plus. Alors, ce sera une amorce de réflexion bien intéressante qu'on vous proposera aujourd'hui. Et sinon, ben, au fil de l'émission, j'aurai le plaisir de me commettre avec quelques commentaires BD, puisque j'ai réussi cette semaine à réduire la pile qui est chez moi d'albums. Alors, ben, j'aurai le plaisir de vous parler de quelques-uns d'entre eux. Sinon, petite mention également, ce soir, en fait, au moment où on se parle, ou presque, à partir de 18h chez Phylactère, c'est le lancement des Flâneurs, une nouvelle bande dessinée de Simon Bossé. Pour ceux qui ne connaissent pas Simon Bossé, on lui doit entre autres Bébête et Intestine à loi de Cravanne. Il a également collaboré à Mille Putois. Alors, c'est une bande dessinée qui est quand même assez attendue par certains qui connaissent bien évidemment l'auteur. Alors, je vous invite peut-être à aller découvrir tout ça, et on aura l'occasion, nous, de notre côté, de reparler cette bande dessinée au fil des semaines à venir. Mais pour l'instant, donc lancement ce soir à compter de 18h chez Phylactère. Et puisqu'on est dans les actualités BD, petite mention au passage, je trouve ça bien intéressant. En partenariat avec les fondations de International Women's Media et McCormick, il y a un magazine qui s'appelle Symbolia qui vient de sortir son premier numéro. Et pourquoi on vous en parle dans une émission de BD? Eh bien, c'est que c'est un magazine, en France du moins, qui est exclusivement dédié au BD journalisme. Alors, on allie reportage et bande dessinée. Je trouvais ça très intéressant comme métissage. On en voit différents exemples dans certaines publications. Et évidemment, quand on pense BD journalisme, on pense notamment à des figures comme Joe Sacco à bien des égards. Alors, ça pourra peut-être vous intéresser. Dans Symbolia 1, on parle notamment de la vie microbienne dans nos intestins, des espèces cachées de poissons dans le fleuve Congo et de la vie d'un journaliste au Kurdistan irakien. Tout ça en bande dessinée. Et également, ben, pour ceux qui n'ont pas accès, comme moi, au magazine imprimé, ben, il est en vente également sur le Apple Store si jamais ça vous intéresse. Et évidemment, ben, au fil de l'émission, on est accompagné musicalement par la sélection de la semaine. Cette semaine, une formation qui s'appelle Mr. Spastic, tirée de leur album Lucid. On écoute un premier extrait. Et voilà donc premier extrait donc de cette formation, toujours à savoir 8 bits d'ailleurs, c'est un peu le ton de nos dernières semaines. Et sinon, mais quelques regards donc sur la bande dessinée sur des sorties récentes, notamment il y a le tome 2 de la série Glorieux Printemps aux éditions Pawpaw, donc bande dessinée de Sophie Bédard, qui est apparue récemment. D'ailleurs, parenthèse, puisqu'on parle de Salon Nouveau Genre, ben, l'équipe du Salon et l'éditeur Luc Bossé notamment seront d'ailleurs au Salon Nouveau Genre demain et dimanche. Alors, on le mentionne au passage. Et sinon, ben, Sophie Bédard donc offre un deuxième tome de sa série Glorieux Printemps, premier tome qui était sorti au printemps dernier, en fait, et qui nous amène donc dans l'univers de l'adolescence, dans l'univers du secondaire, un univers qu'on connaît tous, que ce soit par l'expérience, que ce soit par des séries. On pense par exemple à Watatatao, et ben, que Sophie Bédard a vécu, ou du moins lorsque ces textes-là ont été écrits, avait vécu relativement récemment, puisque c'est des ouvrages qu'elle a dessinés alors qu'elle avait 20-21 ans, approximativement. Alors vraiment quelque chose de très quotidien, c'est un feuilleton, un peu dans l'esprit aussi de l'Osticha, par exemple de Zvian et Iris, sorti également au fil de l'année dernière. Donc un feuilleton BDS qui était né sur le web, qui se voit porté donc en livre, et dont le passage du web au livre ne lui fait pas perdre de sa force et de sa vigueur, bien au contraire, en fait, ça donne un autre support tout simplement. Et un support à quoi? Ben, un support à des dessins qui sont somme toute efficaces, souples, réussis, simples, influencés fortement par le manga notamment. En fait, on pourrait y voir notamment par les yeux et autres, bon, un style qui a visiblement influencé Sophie Bédard. Et bon, un dessin qui est efficace, qui serait intéressant d'ailleurs de voir prendre la maturité au fil des années. C'est une série que j'aime pas à cause du dessin qui soutient bien ce qui est raconté, pas à cause des histoires dans la mesure où elles sont somme toute quotidiennes. Donc c'est le quotidien qu'on nous présente au fil des pages de cet album-là. Donc ce que j'aime, c'est vraiment la force et la vigueur de ces dialogues. Elle réussit vraiment à créer et à développer une personnalité à chacun de ces personnages, une personnalité qui est forte, qui est cohérente, qui se tient de page en page, de tome en tome, et également ben, à amener donc à ces personnages-là vers des échanges qui sont extrêmement dynamiques. Et ça, ben vraiment, je lui tire mon chapeau. C'est pas toujours facile. On tombe toujours sporadiquement sur des bandes dessinées où on a l'impression qu'on lit un texte avec des beaux dessins, mais que ce texte-là ne sonne pas parlé à nos oreilles, à notre esprit. Eh ben, c'est pas du tout le cas avec la série Glorieux Printemps. Et pour ceux qui ont aimé le tome 1, eh ben, c'est évident que vous avez envie de poursuivre vers le tome 2. Pour ceux qui n'ont pas encore découvert la série, mais qui ont un désir, justement, de plonger dans l'univers de feuilleton que nous propose Sophie Bédard, eh ben, je pense que ça peut être une série assez intéressante. C'est aux éditions Pawpaw. Donc, Glorieux Printemps, tome 2. Et petite mention également, avant de repartir en musique. Donc une bande dessinée, une nouvelle maison d'édition d'ailleurs, Olivius, une maison d'édition française qui nous offre quelques titres et notamment Ce Cunule d'Anne Barou et Fanny Dalrive. Alors j'ai trouvé le concept intéressant, en fait c'est des histoires de sexe essentiellement, mais des histoires de sexe ratées. Alors eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été sondés des amis, des connaissances, leur réseau, ils ont amené des gens donc à leur raconter leur pires histoires de sexe, les histoires où ça a pas levé à tous les sens du terme. Et donc c'est ce qu'il nous propose au fil de cette petite bande dessinée là, saveur coquine mais pas tant que ça, puisque c'est pas des belles histoires, mais c'est assez rigolo. Donc des beaux moments de malaise, des belles interprétations ratées. Alors ça donne quelque chose d'assez réussi. Gros défaut peut-être de cette bande dessinée là, c'est qu'on en veut plus. Il y a seulement à peu près quoi 25 histoires. On aimerait ça en avoir 30-40. Alors ça donne un objet qui est sympathique, qui est dessiné ben vraiment croquis au crayon là, c'est tout simple, des beaux petits dialogues, des belles petites situations, mais peut-être un peu court en bouche, pourrait-on dire, si on le comparait à un bon vin. Je veux pas que vous ayez de mauvaises idées, mais reste que si vous tombez là-dessus et vous avez envie de donner, de lire ou d'offrir une petite bande dessinée à saveur coquine, mais pas comme le coquin habituel, le riser et autres, eh ben Cunule chez Olivius peut quand même être intéressant. Donc si vous avez ce désir. Ah ben voilà pour ce clin d'œil, et nous on repart en musique avec toujours Mr. Spastic. We'll be right back. Et voilà, toujours à La Vie en BD. Et on vous rappelle d'ailleurs, si vous voulez nous suivre sur Facebook, c'est chose possible. Facebook.com, La Vie en BD. Également, on a quelques blogs, lavieenbd.wordpress.com et voir.ca/Raymond-Poirier. Et ben, on plonge donc dans l'univers du Salon Nouveau Genre qui nous amène à nous intéresser de manière un peu plus accentuée qu'à l'habitude. Et on est bien content à l'univers notamment du fanzine. Et pour nous amener dans cet univers-là à travers son regard créatif, eh ben, on est en compagnie de Marie Gilbert. Bonjour. Bonjour Raymond. Alors Marie Gilbert qui donne dans le fanzine à saveur sérigraphie et qui d'ailleurs en fait revient d'une résidence en Belgique où qui a mené à la production de deux nouveaux livres illustrés en sérigraphie. Comment ça s'est passé? C'était toute une expérience. En fait, j'étais dans le centre Franz Meserel, qui est un des grands centres d'impression en Belgique, et c'était une belle chance d'être là. Malheureusement, c'était assez tranquille dans l'ambiance, donc j'avais beaucoup de temps mort, ce qui fait que j'ai fait des livres. Et puis, j'ai travaillé surtout sur le thème de la forêt. Donc, il y a un livre qui s'appelle « Forêt gossée », qui est très illustré, il y a peu de texte. Et l'autre livre, c'est « Laisse le grand gibier dans les fougères ». Pardon. Et ça, c'est un recueil de poésie. C'est la première fois que je faisais ça. Donc, lui, il y a plutôt du texte, un peu moins d'images. Et tout ça, est-ce qu'on peut dire, d'ailleurs, ces deux livres-là, est-ce que c'est assez représentatif de ce que vous faisiez au fil des années, notamment avec le duo Les Rabousiers? Avec Les Rabousiers, ce qu'on faisait, c'était plutôt... c'était très narratif. Donc, ça se ramenait encore plus vers la bande dessinée, un texte, une illustration à chaque page. Dans ce cas-ci, je suis allée vers quelque chose de beaucoup plus libre, parce que j'étais dans un milieu plus artistique vers les arts visuels, donc ça m'a quand même influencée. J'ai quitté un peu plus la BD cette fois-ci. Oui, parce qu'en fait, en même temps, c'est des livres dans lesquels il y a de la couleur, il y a des éléments qui sont rajoutés par rapport à ce qu'on connaissait de vous dans les dernières années, notamment. Oui, c'est ça. Puis c'était une résidence en sérigraphie, donc là, j'ai vraiment profité de tout mon temps pour travailler les images, la couleur, ajouter plusieurs plages de couleurs là, dans chacun des livres. Et justement, peut-être pour donner une idée aux gens, notamment Forêt gossée, je pense à peu près à chaque page, il y a comme des éléments de texture, de couleur qui nous rappellent le tronc d'un arbre, notamment. Oui, mais en fait, la résidence en Belgique se passait tout près d'un bois. Donc, j'ai passé plusieurs heures dans la forêt à travailler avec les textures. Et puis, comme j'étais en campagne, j'ai voulu intégrer tout ça dans mes livres. Oui, et en même temps, ça donne un aspect particulier aussi au bouquin. Dans le fond, il y a les arbres illustrés, mais il y a la texture aussi qui est derrière ça. Il y a la texture, puis aussi, comme c'était des nouveaux équipements techniques, c'était pas pareil comme ici, il y a aussi toute un côté un peu gossé, justement, au livre et à la sérigraphie. J'avais l'impression de faire de la sérigraphie en botte à vache, un peu, là. Oui, ça donne quelque chose d'intéressant, même au niveau, en fait, des croquis, des dessins, donc qui sont très esquissés, mais même les couleurs qui on a l'impression que la couleur est suggérée, on complète un peu les endroits où elle devrait être, mais c'est plutôt des tâches pour les arts, par exemple, ou des choses comme ça. Oui, c'est ça. J'ai travaillé de façon très brute. C'était vraiment un environnement qui m'inspirait ça. Donc, d'un côté, il y avait tous les animaux agricoles, il y avait la forêt de l'autre côté, donc c'était très inspirant pour faire quelque chose de plus brut qu'à l'habitude. Puis même, j'ai envie de dire ludique aussi, oui. D'une certaine façon. Oui, bien, c'était les vacances aussi. mais malgré qu'en même temps, on garde aussi, surtout avec Forêt gossée, comme vous l'avez dit, avec l'autre, c'est plus un recueil de poésie, on en parlera tout à l'heure, mais je retrouvais aussi des éléments quand même qu'on avait vus dans les dernières créations, donc quelques mots, quelques phrases, mais c'était beaucoup, en fait, je me rappelais dans les séries avec Les Rabousiers, des récits, je dirais pas incomplets, mais avec des trous volontaires, donc des phrases, on joue un peu avec le rythme de l'écriture, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même un peu dans Forêt gossée aussi. Oui, c'est vrai, donc tout n'est pas dit, le lecteur doit travailler un peu. Puis la narration plane à certains endroits. Qu'est-ce qui vous amène à justement proposer ce type de narration-là? Oh, c'est une bonne question. Je pense que probablement que je suis comme ça aussi dans la vie de tous les jours. Peut travailler sans mettre tous les mots, laisser suggérer des ambiances ou suggérer même des fois les fins des histoires sont suggérées, esquissées. C'est quelque chose que j'essaie de travailler quand même pour corriger, mais je pense pas que je peux changer complètement cette manière-là d'écrire. C'est juste, c'est une sorte d'esquisse. Oui, en même temps, ça force un côté participatif au lecteur. Enfin, on peut pas le lire passivement. Il faut faire. Il y a une volonté d'imagination additionnelle. C'est que si on nous donnait tout cru en termes de récit, dans le fond, on complète, on anticipe, on. Oui, puis je pense que ça se retrouve aussi dans les dessins, dans la manière d'illustrer. Tu n'es pas complété tout le temps. Tu es plutôt, elle aussi, esquissée. Donc, ça laisse la place au lecteur pour presque compléter le dessin ou rajouter certains détails, je pense. Et en même temps, j'imagine, comme il y avait quand même un petit côté autobiographique aux dernières parutions, j'ai l'impression que ça apportait aussi un petit recul par rapport à la réalité versus ce que vous proposiez en récit. Oui, c'est vrai. Ça laisse un décalage, peut-être. Et est-ce qu'on a l'impression justement que d'exploiter comme ça, parce que ça, vous avez fait quand même beaucoup de fanzines, d'autopublications, de micro-éditions, je pense qu'on peut parler de micro-éditions dans ce cas-ci aussi, je pense que c'est 25 titres environ, oui. Depuis 2007. Oui, puis je pense qu'il y en a même un peu plus que ça, on a perdu le fil peut-être, là, mais on est sûrement autour de la trentaine, oui. Et qu'est-ce qui attire vers ce médium-là, vers cet outil-là de diffusion de notre création? Est-ce que c'est la liberté qui est offerte, je veux dire, on peut faire ce qu'on veut? Ou... Mais c'est sûr qu'il y a une très grande liberté. Mais il y a aussi une très grande autonomie avec le livre qu'on fait soi-même. On n'a pas à attendre après un éditeur ou attendre après un centre d'artistes dans le cadre d'une exposition de dessin. Donc, on est autonome. On a la liberté de produire le format qu'on veut, le nombre qu'on veut, de les diffuser. Il y a quand même une belle distribution possible au Québec, mais aussi à l'étranger. Donc, c'est vraiment un outil qui me permet de diffuser mon travail sans attendre après l'extérieur, sans attendre après les infrastructures. Et puis aussi, ça permet de travailler, bien sûr, le texte et l'image ensemble, donc des récits de toutes sortes de manières, là. Donc autant un peu plus vers la bande dessinée des fois, mais aussi vers les arts visuels à d'autres moments. Et en fait, je fais du pouce sur quelque chose que vous avez dit, Marie-Gilbert. C'est possible de le diffuser ici ou ailleurs. Il y a un réseau, mais souvent de l'extérieur du milieu, on a l'impression qu'il y a peu d'endroits où on peut en trouver des fanzines comme ça. Alors, il y a un réseau peut-être un peu plus élargi côté diffusion que ce qu'on peut penser au départ. Mais juste à Québec, dans la ville de Québec, là, vraiment rapidement, il y a la librairie Phylactère sur Saint-Joseph. Mm-hmm. Il y a la galerie Morgan Bridge sur la rue du Pont. Il y a aussi au centre d'artistes L'Œil de Poisson, où on peut en retrouver. Je pense, à une certaine époque, en tout cas, on en trouvait à la librairie Pantoute, certains fanzines. Donc, quand même, juste ça, c'est quelques noms seulement, mais c'est bien là, quand même. Et de ville en ville, comme ça, c'est simplement, oui. Dans le fond, qu'il faut prendre le bâton de pèlerin, il faut aller les porter, il faut solliciter. Oui, mais ça, c'est quand même un plaisir, ça fait partie. On peut l'envoyer par la poste aussi, là, c'est pas... Effectivement. C'est pas un gros travail. Et au niveau des livres, l'impression que l'approche sérigraphique a permis, on parlait de couleurs, d'éléments, donc a vraiment permis de renouveler un peu ou d'apporter, de bonifier peut-être votre expérience de création en micro-édition. Oui, quand on a commencé en 2007, on faisait les livres photocopiés. On n'avait vraiment aucun moyen, donc c'était la manière la plus simple de travailler. Mais moi, je suis vraiment issue des arts visuels, donc je suis habituée de travailler la couleur. Et là, quand je suis arrivée à la sérigraphie, ça me permettait tellement d'exploiter davantage le médium, le dessin. C'était beaucoup plus expressif. Et un jour, j'envisage même un jour d'aller vers la photographie, mais là, c'est plus dispendieux. Mais la sérigraphie, pour l'instant, c'est le juste milieu entre les deux. Et au niveau de la texture, en fait, c'est des pages larges, pliées. C'est quelques pages, mais c'est un livre qui est, je dirais pas lourd, mais... C'est quand même... au côté travail de papier, comment on présenterait peut-être un peu ça aussi? En fait, moi, j'aime beaucoup tout ce qui est papier plié. Donc, c'est pas des reliures classiques ou complexes. Souvent, je peux imprimer tout mon livre sur un seul côté de page. Donc, d'un seul coup, en sérigraphie, j'imprime toutes les pages à la fois. Et ensuite, je fais un travail de pliage de papier. Donc, dans ce cas-ci, c'est des livres accordéon. Donc, une certaine reliure, mais c'est assez simple. Ça me permet d'en imprimer plusieurs, puis de travailler assez simplement. Puis c'est quand même un bel objet, donc, à la fin. Oui, puis au niveau sérigraphie, c'est que ça fait pas 36 pages à sérigraphier. C'est, on en a une énorme, puis après ça, c'est... Ça, j'ai déjà fait ça dans le passé avec le livre À l'approche des ponts, là, 30 pages à sérigraphier. c'est tout un travail, là. J'essaie de faire ça plus simplement maintenant. Et en même temps, je trouve que la texture, ça donne quelque chose d'intéressant, en fait. Je veux dire, on sent vraiment la feuille, la page, le papier. Ça donne, je trouve, on bonifie un peu l'objet, parce que, au bout du compte, un fanzine comme ça, il y a un côté narratif, il y a un côté artistique. On l'achète aussi beaucoup pour l'objet, pour le côté créatif de la chose. Oui, oui. Pour moi, c'est important que ça devienne un objet qu'on peut manipuler, qu'on prend plaisir à toucher aussi, là. Donc, il y a un choix du papier, puis c'est ça. Je le travaille comme un objet. Et laisse le grand gibier dans les fougères, donc premier recueil plus à saveur poétique avec illustration, sérigraphie là-dedans. J'avoue, initialement, je me suis dit, ah mon Dieu, surprise, mais inversement, vous étiez au Printemps des poètes, je crois, ce printemps 2012. Oui, en mars. C'est un autre volet, donc, de votre création que vous développez aussi. Oui, quand j'ai le temps, j'aime bien me plonger dans l'écriture, puis me laisser aller vers des choses qui sont un peu plus poétiques, moins, ben, quand même narratives, mais plus poétiques. Dans ce cas-ci, c'est un peu de la poésie de chasse, encore sur le thème de la forêt. Donc, c'est avec le vocabulaire de la chasse et de la pêche, on parle d'une perte, qui est quand même une perte des blessures, un peu avec l'univers de la forêt et de la lutte avec l'animal qu'on veut chasser. Et on parle de ce deuil-là ou de cette perte-là qui arrive à la fin. Et toujours avec les textures autour de ça, donc pour créer un univers visuel, pour accompagner les mots. C'est toujours, j'imagine, un certain défi de trouver justement quel emballage donner pour réussir à bien mettre en valeur les textes, les propos qu'on porte à travers les poèmes. Ça se fait dans le jeu, donc c'est pas vraiment lourd ou c'est pas complexe, non. Peut-être que ça se l'est, mais pour moi, ça se fait vraiment en jouant. Un côté instinctif, dans le fond. Oui, c'est ça. Et en même temps, je me suis laissé dire que vous aviez déjà aussi porté, je crois, à la scène certains de vos mots. Donc, c'est vraiment, en fait, ce n'est pas que le fanzine, que l'illustration, mais c'est vraiment, en fait, votre démarche créatrice est assez globale. Oui, je suis montée sur scène pour raconter certaines histoires, puis j'ai envie de développer ça davantage. Puis même, j'ai amené le papier sur scène, donc mon décor était fait en papier. C'est quelque chose que j'aime exploiter, mélanger le papier, les mots, le rapport au public. Dans le livre, on a un rapport qui est très intime. Malheureusement, j'en suis pas témoin. Donc sur scène, j'ai la chance d'avoir un rapport direct et d'avoir de vivre le récit vraiment plus intimement de mon côté. Donc, j'ai envie encore de mélanger tout ça dans l'avenir. Donc, dans les spectacles, il y a vraiment des éléments de papier qu'on s'amuse à amener. Donc, que le livre ne soit pas que parlé, mais soit aussi senti sur la scène. Oui, en fait, dans le spectacle « Les mollets de ces chevaux-là », le décor, c'est une immense feuille de papier qui fait 30 pieds par 20 pieds, je crois. Et puis, on joue avec cette feuille-là, un peu comme un cerf-volant, pour faire soit un manteau, un banc de neige... un ciel d'orage, des choses comme ça. Alors, en fait, à voir, et si les gens veulent voir un peu d'images, d'ailleurs, de ça et d'autres productions qu'on a mentionnées comme ça, il y a votre blog, en fait, mademoiselleri.blogspot.ca, ou sinon, en cherchant Marie Gilbert dans votre outil de recherche préféré, ça sort dans les premiers, c'est bien référencé. Pour voir un peu, justement, le travail dont on parle, et pour samedi et dimanche au Salon Nouveau Genre, vous nous amenez vos derniers fanzines de Belgique et d'autres matériels aussi? En fait, je serai là seulement samedi. Oh. Malheureusement, j'aurais aimé ça les deux jours, mais c'est pas possible. Donc, samedi, je vais présenter ces deux livres-là qu'on vient de parler. Donc, « Laisse le grand gibier dans les fougères », puis « Forêt gossée », puis plus deux autres petits fanzines que j'ai fait avec des étudiants à Bruxelles, donc des étudiants de l'École supérieure des arts à Bruxelles. Alors, donc, samedi, c'est entre 11h et 19h, d'ailleurs, pour la planification d'horaire. Alors, pour avoir le plaisir d'aller voir et discuter avec Marie Gilbert, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon salon. Bienvenue toujours à La Vie en BD. Raymond Poirier avec vous jusqu'à 18h30. Petit clin d'œil, tiens, une sortie récente série qui s'appelle Alter Ego. J'en ai déjà parlé, je pense, l'année dernière. Et là, ils sont arrivés à la fin de leur première saison, qu'ils appellent, avec un album qui s'appelle Ultimatum. Alors, le concept de la série, en fait, moi, je le trouve bien intéressant. C'est qu'ils ont publié 6 albums qui sont reliés, mais avec pas d'ordre de lecture obligatoire. Donc, on y va un peu, on pige dans ces 6 albums-là, un peu comme on le sent. Et ensuite, on arrive avec un 7e album qui suit ces 6-là et qui vient un peu réunir et boucler l'ensemble des histoires qu'on a développées dans les 6 premiers et qui met la table vers les 3 prochains. Donc, vers ce qu'ils appellent la 2e saison. Donc, un récit d'anticipation, un peu à saveur thriller, science-fiction. Donc, l'idée étant que des personnes sont liées par une certaine magie du corps et autres, et qui leur existence peut garantir l'existence de d'autres personnes à travers ces liens. Donc un petit côté ésotérique, mais qui est pas dérangeant, si on peut dire, dans le récit, qui est pas omniprésent non plus, donc qui est bien amené. Et à travers donc Ultimatum, on va aller chercher donc l'ensemble de ces récits-là, l'ensemble de ces personnages-là qu'on va amener dans un album qui roule rapidement. Ça fait penser un petit peu à 24 heures chrono, en fait, 24, la série télé. Donc le temps qui s'égrène d'heure en heure, on suit ça, on saute d'une destination à l'autre, et tout ça va donc rapidement, avec une belle tension à l'intrigue par justement ce chronomètre-là. Donc c'est bien ficelé, somme toute un beau travail de scénarisation, très sincèrement là-dessus, là, Denis Lapierre et Pierre-Paul Randers ont bien réussi. Un dessin qui est quand même assez standard, semi-réaliste, de Mathieu Reynès et Benjamin Bento, donc qui fonctionne également dans le contexte de cette série-là. Inversement, ce qu'on se rend compte aussi, personnellement, j'avais pas lu les 6 avant, j'en ai vu quelques-uns, on s'y retrouve aussi. Donc, si on n'a pas lu l'ensemble, donc les auteurs sont capables aussi de combler un peu les vides ou de nous faire des rapides rappels qui nous permettent de se situer rapidement dans tout ce qui se passe. Donc là-dessus aussi, ça fonctionne bien. Et surtout, personnellement, mon dada dans des albums comme ça, on essaie de boucler des intrigues, c'est que souvent on tombe dans de l'exposition excessive, dans des longues explications. On évite cet écueil-là également dans cet album-là, et ça, j'ai trouvé ça aussi assez bien. Alors, une série peut-être un peu plus qui risque de plaire aux ados, qui risque de plaire aussi à ceux qui ont envie d'une série légère de science-fiction. C'est pas du niveau d'une série comme 13, par exemple, mais par contre, reste que une fois qu'on a lu les derniers 13, eh ben, on a peut-être envie de tomber dans celle-là, et si on le fait, ben, c'est pas désagréable. Alors, voilà pour ce clin d'œil. Et maintenant, on s'en va en pause. Au retour, Charles-Étienne Brochu et Michel Giguère. Pour débuter votre soirée du vendredi à CKRL, dès 18h30, Jean-Sébastien Grondin vous offre de la musique soul et R&B à l'émission Soul Finger. À 19h, Jean-Baptiste Duvigneau et Goulvendi vous font tourner du funk d'hier à aujourd'hui. À 20h, pour la 20e saison, Michel Dubois présente l'émission Rue d'Auteuil, du blues mur à mur. Restez branchés. Je m'appelle Catherine Simard, élève au Conservatoire d'art dramatique de Québec. Je vous invite à venir voir la pièce Salina de Laurent Godet, mise en scène par Marie-Josée Bastien. Salina, c'est l'histoire d'une vengeance puissante, rude, celle d'une femme dont on a empêché l'amour, portée par un souffle épique. Salina, c'est une langue tranchante comme une lame qui oscille entre haine et compassion. Au Théâtre du Conservatoire, du 9 au 16 décembre. Billets en vente au Conservatoire, étudiants 5 $, adultes 10 $. 418-643-0494. Pantoute fête 40 ans de lecture passionnante. Découvrez notre album anniversaire qui présente 335 livres qui nous ont marqués dans tous les genres littéraires. Cette publication gratuite est disponible dans nos 2 librairies. Profitez de votre visite pour participer à nos tirages hebdomadaires et pour obtenir votre cadeau, un premier achat de 40 $ sera inscrit sur votre nouvelle carte de fidélité électronique. Une façon de vous remercier d'être avec nous depuis 40 ans. Un spectacle unique en son genre. De l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'Impro BD. À la Ligue québécoise d'Impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Prochaine rencontre le 16 décembre, 20h. Entrée libre, contribution volontaire. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'Impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. dessin, jeu, musique, un événement hors du commun. Toujours à la vie en BD et toujours un plaisir évidemment d'être avec vous pour parler bande dessinée certes, mais cette semaine on l'a dit en introduction, on l'orne vers le fanzine et également vers l'illustration à l'approche de la 8e édition du salon Nouveau Genre. Et comme à l'habitude, ben on aime bien en profiter pour rencontrer quelques-uns des créateurs qui seront présents à cet événement, donc qui a lieu samedi et dimanche au sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste ici à Québec. Et ben notamment parmi ceux qu'on avait envie de rencontrer, il y a un illustrateur, un peintre, un dessinateur qui s'appelle Charles-Étienne Brochu qui est avec nous en studio. Bonjour. Ben oui, salut. Alors, un style, un univers à la fois ludique, à la fois grave. Comment on présenterait peut-être d'emblée là, ce que vous faites et l'aspect visuel de ce que vous faites également? Ben oui, c'est sûr que j'ai une recherche. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça, dessiner. Puis tout, c'est vraiment ce que je préfère le plus. Fait que j'essaye toujours de faire des expériences pour que ce que j'aille à dire en dessin finalement soit le plus fort possible puis le plus efficace, donc je vais essayer de travailler d'une manière la plus originale puis la plus proche de moi possible. Donc ben visuellement ça ressemble toujours à quelque chose qui est un peu ludique, puis en même temps dans le propos il y a toujours quelque chose de grave un peu, ou quelque chose d'un peu plus sérieux. Parce que, ben, je pense que ça fait un peu transparaître, finalement, le plaisir que j'ai à dessiner dans le style puis dans la forme. C'est toujours très coloré, très ça. Puis en même temps, ben, il y a toujours un espèce de sérieux qui vient avec moi, finalement, puis tout. Puis je trouve que c'est comme intéressant de mélanger les deux, un peu l'espèce d'univers, c'est ça, un peu sérieux, puis sous une forme peut-être un peu plus joyeuse puis accessible à tout le monde. Oui, ça nous donne une autre dimension, si on peut dire, au propos. Ça amène un autre type de réflexion, et on parle de propos d'éléments en lien peut-être parfois, en fait, je voyais des préoccupations éthiques, environnementales, politiques, sociales, des portraits de Jean Charest ou un champ de fleurs très coloré avec une usine très très sombre à l'arrière, donc des ouais. juxtapositions comme ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Les choses politiques un peu. C'était un peu une expérience. Je voulais voir un peu si ça m'amusait de me servir des images, tu sais, qu'on voit tellement souvent dans les médias. Puis tout, tu sais, Jean Charest, on l'a vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mm-hmm. Fait que, je sais pas, j'avais envie d'évacuer ça un peu en faisant quelque chose de justement un peu ludique puis un peu amusant. Puis oui, il y a toujours une préoccupation sociale, environnementale et toutes les préoccupations que tu as nommées. Parce que ben c'est des préoccupations qui m'habitent. Fait que, évidemment, le dessin, c'est quand même toujours... C'est long, tu sais. Il faut toujours que tu penses quand tu dessines. Fait qu'évidemment, ben, il y a toujours une espèce de part de moi-même qui s'en va dans le dessin. Puis, ben, comme c'est des préoccupations qui m'importent quand même beaucoup, ben, ça vient transparaître dans mes dessins, je pense. Et souvent, justement, il y a une dynamique. On parlera un peu de l'environnement qui l'entoure, mais accent sur ces éléments de détail-là au départ, notamment au niveau des visages qui sont toujours peut-être un peu plus graves, un peu plus denses, un peu plus sombres que l'ensemble des éléments qui les entourent aussi. Ouais. Ben, ça, les personnages sont toujours un espèce un peu inexpressif ou un peu triste ou toujours sérieux. J'ai l'impression que c'est une espèce de manière pour moi de pas trop laisser transparaître justement de direction où aller pour lire l'image finalement, parce que j'aime pas tellement ça être directif. C'est un peu pour ça aussi l'espèce d'idée de toujours ajouter des choses un peu contradictoires dans mes dessins. Comme ça donne une lecture un peu plus libre. Mm-hmm. Puis les gens peuvent un peu décider finalement l'expression du personnage, est-ce qu'il est triste, est-ce qu'il est content. C'est toujours intérieur finalement, fait que c'est un peu un renvoi ou une espèce de dialogue entre finalement l'image puis la personne puis qui regarde dans le fond puis tout ça. Fait que si les personnages n'ont aucune expression, ben c'est un peu pour que les gens puissent mettre celle qu'ils veulent un peu dessus finalement. Et en même temps, Charles-Étienne Brochu, on parle de juxtaposition au niveau des expressions, des sujets. On parlait de ludique, de grave. Il y a aussi les notions de couleur, les notions de texture. Notamment, on sent qu'il y a une exploration aussi au niveau visuel dans ces principes-là de juxtaposition. Ouais, c'est ça. Ben, moi, j'ai une formation d'artiste, puis ça a toujours été quelque chose, tu sais, dans toutes les cours, c'est très important de toujours expérimenter puis essayer de faire les images le plus fort possible. Puis oui, la couleur, c'est vraiment quelque chose qui vient toucher une corde sensible chez moi. Puis j'aime vraiment beaucoup ça. essayer de maximiser le potentiel que ça a avec tout ça, parce que c'est sûr qu'une image c'est quelque chose d'instantané, t'sais. C'est pas comme une musique, mettons, qu'il y a un certain temps, t'sais. Il faut que le punch d'une certaine manière se fasse de façon immédiate, puis la couleur ça aide vraiment beaucoup à ça, t'sais. On pense à des couleurs très vives ou le contraste entre les couleurs moins vives, ça un peu sali tout ça, fait que moi j'essaye de travailler toujours pour que ça soit le plus efficace possible, finalement, toutes ces choses-là. Et dans les couleurs vives, on entend des couleurs vives. Des fois, c'est presque fluo, un peu comme un côté vintage, années 80-90, ouais. Ou un peu avant, même. Oui, c'est ça. Ouais, ben, c'est ça. Il y a toutes les influences culturelles aussi. C'est ça. Quand on... Tu sais, en tout cas, moi, dans la création, c'est sûr qu'il y a toujours un paquet d'influences. Puis toutes les émotions aussi qu'il y a à l'intérieur de moi, puis tout. Fait que tout ça, ça vient tout un peu s'amalgamer pour essayer de faire une espèce de patchwork de plein de choses. Finalement, chaque dessin, ben, devient un peu une espèce d'instantané de ce que je vis dans le moment, d'une certaine manière, j'imagine. Et avec en fait des impressions quand même assez fortes. En fait, pour se figurer, il y a ces éléments-là, donc des couleurs. On peut penser à une dominante, par exemple, un bleu, un vert, un personnage qui se retrouve là-dedans avec l'expression, comme vous le disiez, expression grave ou insaisissable peut-être. Également des personnages avec des membres un peu surdimensionnés, des bras, des choses comme ça qui ajoutent un punch, un aspect narratif aussi, ouais. L'aspect surdimensionné. C'est ça. Ça, je sais pas trop pourquoi c'est que ça me vient, cette espèce de déformation-là. On dirait que, tu sais, je fais un personnage, puis il me semble, des fois, je le regarde, puis je me dis, bon, il me semble serait plus beau comme ça. Je sais pas trop pourquoi c'est comme ça. J'ai l'impression que ça donne un caractère un peu plus grave, justement, d'accentuer certains traits ou non. C'est probablement un peu emprunté à caricature ou quelque chose. Il y a un côté un peu plus sérieux que ça en même temps, mais je pense que c'est un peu ça, tu sais, l'espèce d'idée d'accentuer certains traits qui font référence à inconsciemment une personnalité, par exemple des gros yeux, ben on va penser peut-être la personne plus observatrice, tu sais, peu importe, espèce d'idée un peu inconsciente de physionomie qui est en lien avec la psychologie. Puis c'est ça. Puis ouais, c'est ça, le côté narratif, c'est ça, c'est super important toujours dans mon travail, c'est quelque chose qui revient souvent. Je trouve que c'est vraiment une belle façon de justement faire quelque chose qui se tient avec plein de signes, tu sais, parce que quand on construit une image, ben j'ai toujours plein d'idées, tu sais, je veux mettre plein de choses dans ma même image, puis en même temps il faut que ça se tienne, tu sais, il faut que ça y ait quelque chose, un lien entre tout ça. Puis moi je trouve qu'une façon qui est assez naturelle pour moi de faire ça, ben c'est en faisant toujours une petite histoire ou quelque chose. T'sais, pour moi, c'est important. Après, si les gens n'ont pas la même histoire, c'est bien correct. Ça donne une base, en fait. Ça oriente un peu la création. Ça dirige, dans le fond. Ouais, ça dirige d'une certaine manière. Puis en même temps, l'histoire, ben moi, je la dis pas à personne. Puis c'est toujours c'est des signes plus ou moins flous. Fait que, en fait, les gens, ils voient très rarement la même histoire que moi parce qu'ils ont pas ma vie. Puis ils peuvent pas comprendre. Puis c'est pas ça que je veux non plus. T'sais, moi, je fais une histoire pour moi, puis après ça, ben, je pense qu'il y a assez de signes, par contre, pour que d'autres gens, après ça, arrivent puis s'approprient l'histoire que je propose, finalement, puis s'en fassent eux-mêmes. C'est un peu ça, l'idée. Et ces éléments-là, Charles-Étienne Brochu, c'est amené, justement, sur différents types de médiums. C'est de la peinture, c'est de l'illustration, ouais. Sur différents formats aussi, j'imagine. On joue un peu avec ça? Ouais, c'est ça. Ouais, ben là, je travaille beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec la tablette graphique, dans le fond. C'est dans le dessin... la tablette graphique, ce qui est un médium qui est super intéressant justement parce que c'est facile de jouer avec la couleur. Tu sais, je veux dire, avec, mettons, tu sais, Photoshop, ben, tu sais, si je veux faire des tests de couleur, ça se fait extrêmement rapidement, contrairement à la peinture où il faut toujours mélanger la couleur. C'est le fun, c'est parce que ça donne une matérialité, mais en même temps, c'est long, tu sais. Fait que l'ordinateur, pour ça, c'est vraiment intéressant. Puis là, je suis en train de faire un petit peu un retour. Je fais en ce moment des tests, justement, tu parles de grandeur. Là, je suis en train de faire des tests avec des crayons de couleur, justement, mais sur des très, très grands papiers. Donc là, on parle de, par exemple, 4 pieds de long par 3 pieds de large, ce que j'ai fait hier soir, justement. Puis c'est vraiment intéressant ce que ça donne parce que, tu sais, on n'a pas nécessairement... C'est vraiment super intéressant de voir à quel point un petit crayon, tu sais, c'est toujours le même petit trait, toujours, puis... remplir une feuille au complet, ça donne quelque chose de très, très nerveux puis un peu maniaque, tu sais, finalement. C'est pas voulu, mais en même temps, le fait de remplir une grande feuille comme ça avec un trait toujours continu, ben ça donne une espèce d'aspect un peu... c'est ça. Il y a cet aspect-là qui un espèce d'aspect, c'est ça, un peu très, très répétitif et tout, qui vient s'ajouter à tout ça. Puis je trouve que c'est super intéressant de jouer un peu avec ça. Et si les gens veulent avoir une idée visuellement justement de à quoi ressemble votre travail, il y a le Salon Nouveau Genre évidemment cette fin de semaine, il y a votre site web aussi coffre-à-crayon-au-pluriel.com et on peut aller faire un tour aussi au Sacrilège, il y a une exposition présentement jusqu'au 23 décembre si je me trompe pas, porte-pièce-fenêtre qui s'articule un peu autour de la pièce comme symbole d'intimité, de la fenêtre comme symbole d'ouverture. Oui, c'est ça. Ça, dans le fond, c'est une exposition que j'avais faite pour l'Université Laval. J'avais préparé ça un peu, puis là, ben, je me suis dit, ben, tant qu'à avoir tout fait imprimer ça, je vais la faire prendre un peu. Puis c'est ça. Dans le fond, c'est je voulais que l'exposition aille un thème précis, puis ça donnait que la plupart de mes... Ben, pas la plupart, mais le plus grand thème, le terme le plus large auquel pouvaient se rattacher mes illustrations, c'était l'idée de la pièce puis de la fenêtre. Fait que j'ai décidé d'un peu... faire tourner mon exposition autour de cette idée-là, d'ouverture, puis vers autre chose. De toute façon, c'est un peu ça, une image, une toile ou n'importe quoi. Ben, c'est toujours une ouverture vers quelque chose. On propose une image vers autre chose, finalement. Et au Salon Nouveau Genre, ce week-end, ça va être des illustrations de différents formats, différents types de pièces? Oui, c'est ça. Ben, en fait, je vais... Principalement, ça va être des illustrations assez petites parce que ça se transporte plus facilement, puis c'est un peu plus accessible à tout le monde. Puis j'ai aussi proposé une couple de petits tableaux qui vont être un petit peu plus petits que le reste, mais un peu comme plus avec une espèce de notion un peu plus culturelle, comme une espèce de référence culturelle, si on veut, là, un peu ludique, genre, par exemple, tu sais, des paysages québécois très, très stéréotypés, mais faits de façon un peu actuelle et tout. Genre. Alors, à découvrir, alors ça, c'est le 8 et 9 décembre au Salon Nouveau Genre, au sous-sol, donc, de l'église Saint-Jean-Baptiste, le 8 de 11 à 19, le 9 de 11 à 18, et ben évidemment, d'autres occasions aussi via le web, notamment coffre-à-crayon.com, pour découvrir le travail de Charles-Étienne Brochu. Merci beaucoup. Ben, ça fait plaisir. Merci de m'avoir invité. Ben, ça me fait plaisir. Et nous, ben, on repart en musique avec un dernier extrait de la formation Mr. Spastic. Et voilà un extrait qui s'appelle Lucid, Mr. Spastic, disponible sur 8-Bit People, en téléchargement gratuit d'ailleurs sur le web, si jamais la chose vous intéresse. Et j'ai lancé un peu la question en début d'émission, une belle question d'ailleurs, qui va être soulevée par Michel Giguère dans la prochaine rencontre des rendez-vous de la BD qui a lieu mercredi prochain à la bibliothèque Gabriel-Leroy, toujours autour de 19h. Et on la soulève ce vendredi en route vers mercredi prochain. Et également, parce que justement, c'est une belle question, Michel Giguère, bonjour. Salut Raymond. Ça va bien? Oui, et avec une voix enrouée, mais enrhumée. C'est la température et la période de l'année pour ça. Et Michel, en fait, la question est intéressante, en fait, parce qu'on voit de plus en plus, justement, de nouveaux types d'albums, et on en a vu au fil des années aussi, au fil des décennies, donc des albums qui sont associés à la bande dessinée, mais des fois, on se dit, mon Dieu, est-ce que c'est vraiment de la bande dessinée, ou est-ce que c'est autre chose, mais qu'on le met, on le catalogue dans la bande dessinée, parce qu'on sait pas trop où le mettre? Ben, du coup, se demander, est-ce vraiment de la BD, c'est aussi poser la question, c'est quoi la bande dessinée? Or, il y a un flou qui arrive pas à se dissiper depuis toujours autour de la définition fond même de la bande dessinée, au point que spécialistes et historiens s'entendent même pas sur la naissance du 9e art. Est-ce que la BD est apparue dans les années 1830 en Suisse avec Rodolphe Töpffer, ou alors en 1896 et après, dans les journaux américains qui ont, entre autres, systématisé l'usage de la bulle? C'est que, pour d'aucuns, une séquence narrative d'images avec du texte sous les vignettes, c'est pas de la BD, ça prend des bulles. Personnellement, je trouve un peu abusif de considérer qu'un seul élément constituant d'un médium ou d'un langage doivent le définir. Oui, c'est comme surtout si... que ça disqualifierait même plein de parutions actuellement. Ultérieure et récente, oui. Absolument. On va le voir d'ailleurs, on va en avoir plein d'exemples mercredi prochain. C'est comme si on disait que le cinéma muet, c'est pas du cinéma sous prétexte qu'aujourd'hui il y a du son dans les films. D'ailleurs, je vois pas beaucoup d'équivalent dans toutes les disciplines artistiques, tous les médiums narratifs, d'un autre type de création qui a autant de mal à se définir et en même temps, même chose pour ceux et celles qui le pratiquent, mais ça c'est un tout autre débat. Alors, c'est intéressant. Dans le fond, il y a deux naissances. Peut-être on pourrait revenir un peu là-dessus. 1830, 1896, et les historiens s'entendent pas. Et j'imagine que, donc tu le disais, il y a des bulles, il y a pas de bulles. C'est vraiment deux genres différents d'illustration et de BD qui sont nés à ce moment-là. Oh, deux genres différents. Entre guillemets. C'est vraiment différent. C'est ça. Est-ce que ça l'est tant que ça? En tout cas, tout naturellement, la soirée va être lancée avec des projections de planches qui datent du 19e siècle. Et puis, ça va nous permettre, justement, au passage, de constater que les pionniers qui faisaient des histoires qu'on dit toutes sages avec le texte en dessous étaient peut-être plus inventifs que certains veulent bien nous le faire croire. On va voir des choses assez étonnantes. Et de Bécassine à Loustal, qui est plus récent, qui date des années 80, en passant par Prince-Vaillant, on va voir aussi que, comme tu le disais, cette pratique-là, à savoir de mettre du texte sous les vignettes, perdure avec bonheur souvent, et que par-delà la notion discutable du roman graphique, tu sais, comme le terme est en vogue, eh ben, la BD, je trouve, ne s'approche jamais tant du roman que lorsqu'elle privilégie les encarts diégétiques ou, si vous préférez, les récitatifs dans lesquels s'exprime un narrateur, là. Alors, dans ma lecture récente, là, ma relecture, en fait, des albums de Loustal, par exemple, avec Paringo, il y a une belle écriture qui est un peu littéraire et il y a beaucoup de texte, eh bien, c'est une expérience de lecture qui se rapproche vraiment du roman. Beaucoup plus qu'un tas de choses étiquetées roman graphique. Oui, en fait, disons que l'étiquette a le dos large. Ça, on pourra en reparler dans une chronique éventuelle. Et à ça nous amène aussi à la notion, par exemple, de récit en images sans cases. Est-ce qu'on a besoin des cases? Ben oui, c'est ça. Ben, outre le narrateur, les récitatifs, il faut dire aussi qu'il y a d'autres manières de se passer des bulles. On voit qu'il y a plein de manières de se dispenser de ces ballons-là. Mais aussi de se passer de cadres autour des cases, ou carrément de cases au complet, et même de planches. Il y a des albums où c'est effectivement des récits, mais chaque page contient seulement une case, donc il n'y a plus de planche à proprement parler. Et pourtant, quand tu lis tout ça d'un bout à l'autre, outre ce détail-là, c'est vraiment de la bande dessinée. Alors, c'est assez intéressant de voir tout ça. Fait que comme si, dans le fond, c'était mis en tête que, et dans l'esprit populaire, en fait, une BD, c'est des bulles, c'est des cases, c'est des planches. Et alors que, même dans l'histoire du médium illustré, pourrait-on dire, ben, il y a beaucoup plus d'exceptions qu'on pourrait l'imaginer, et ça, dès le départ. Donc, c'est un peu limitatif, même pour certains, j'imagine, de dire, mais la BD, c'est des cases, c'est des bulles, etc. Et puis, ces limites-là, ces critères-là vont vraiment exploser à la fin de la soirée, parce que je vais finir avec les albums que je qualifierais de polymorphes, c'est-à-dire qui mettent à contribution divers modes narratifs concomitants. Bon, ça a l'air un peu savant ce que je viens de dire, mais par exemple, des albums dans lesquels une suite de trois cases avec des bulles, standard, là, voisines, dans l'espace de la même page, deux paragraphes de texte en prose agrémentés par une ou des illustrations. Tout ça ensemble dans la même page, là. Donc, il y a des trucs qui fonctionnent plus, qui sont plus ou moins au point, et il y en a d'autres qui fonctionnent admirablement. Ça tient d'une espèce d'alchimie assez fragile, en fait. Et il y a des trucs comme Billy Brouillard ou la série La voleuse du père fauteuil, je sais pas si tu connais, qui reproduisent, par exemple, des premières pages de quotidien ou des pages de fausses encyclopédies, et ça vient s'insérer à travers le récit, ou encore d'autres qui utilisent des collages de photos, d'images ou de typographies, par exemple Lino au Québec. Alors non, c'est des dans le fond, c'est limite des albums expérimentaux un peu. Oui, si mais tellement divers. Juste pour te dire là, on va recevoir entre guillemets mercredi prochain Rudolf Töpffer, donc Harold Foster. Pour ceux qui connaissent un petit peu la bande dessinée, là, les oreilles vont leur bourdonner. Là. Robert Crumb, Jacques Tardy, Loustal, Art Spiegelman, Edmond Baudouin, Posey Simmons, Craig Thompson, Johan, Manu Larsenet. Du côté québécois, il va y avoir Pascal Blanchet, Stéphane Poulin, Jimmy Beaulieu, Lino, Grégoire Bouchard, Fred Jourdain avec... Le dragon bleu. Oui, le dragon bleu. Mais en fait, c'est un bon exemple, à la limite, parce qu'ici, si on en regarde, exemple, le dragon bleu, justement, c'est un récit qui est narré, qui est raconté, un peu des lignes de texte, appuyé par des images, mais somme toute, il n'y a pas de bulles, ou il y en a très peu s'il y en a. Ben, il y en a, et en fait, quand on avance dans l'album, il y en a de plus en plus. Curieusement, l'album ressemble davantage à la bande dessinée en se dirigeant vers sa conclusion, et c'est un excellent album. On va avoir plusieurs extraits de cet album-là. Et on va avoir aussi trois Bordelais qui sont venus en résidence au cours des dernières années, Didier Cromwell, Vincent Perriot et Jérôme Daviau. Donc, puis aussi, bon, par exemple, Motel Galactique de Pierre Bouchard et Francis Dernay correspond tout à fait à ça. Harvey aussi, qui avait reçu deux prix du gouverneur général ces dernières années, une autre création québécoise. Enfin, un peu comme si il y avait des règles claires, entre guillemets, en fait, des règles non écrites, et que le fait de les avoir permettait aussi aux créateurs de s'éclater et de les repousser, de forcer, dans le fond, aussi à se poser cette question-là et à définir, je dirais pas, c'est nécessaire pour l'existence, mais c'est plaisant justement d'essayer de définir en fonction de ces exceptions comment on peut classifier un genre. Écoute, tu résumes tellement bien ma façon d'appréhender tout ça. J'espère en fait qu'à la fin de la soirée mercredi prochain, non seulement on va se sentir encore moins en mesure de répondre à la question de départ, est-ce vraiment de la BD, mais qu'en fait on va convenir ensemble que l'important c'est pas d'y répondre, que l'important c'est que des créateurs inventifs ou alors indociles qui se cantonnent pas dans des carcans puis des règles nous proposent des œuvres vraiment inclassables, des œuvres qui nous amènent à se la poser la question, est-ce que c'est la bande dessinée, et puis qui, ce faisant, questionnent le médium lui-même tout en le poussant plus loin, et c'est ça qu'il faut saluer. Et j'ai presque l'impression, Michel, que des gens vont pouvoir aussi s'amuser à faire des parallèles avec d'autres rendez-vous de la BD que tu as fait, qui se questionnaient aussi justement sur les genres, sur le cadre de la BD. Je pense à la rencontre que tu as eue avec Marc-Antoine Mathieu il y a quelques années, qui lui, ben en fait, c'est son pain puis son beurre, justement, de s'amuser avec les conventions, entre énormes guillemets. Oui. Quoique... ça d'ailleurs, ça va faire l'objet d'un éventuel rendez-vous de la BD. Tous ces BDistes-là qui jouent avec les codes d'une façon ludique et parfois, comme dans le cas de Mathieu, de façon géniale, ou alors Fred avec Philémon, là. Mais ça, ce sont des gens qui, jouant avec les codes, les utilisent et les introduisent dans leur BD. Je dirais qu'il y a peut-être le dessin de Mathieu. Ou est-ce que là, vraiment, ça va faire partie de la soirée de mercredi, puis on peut se demander, est-ce que c'est vraiment une BD? Pour le reste, ça en est vraiment. Fait que ça, c'est comme... Dans le fond, c'est comme autre chose. Oui, en fait, si on explore avec le code et qu'on s'amuse précisément avec ce code-là, on est clairement à l'intérieur du code, parce qu'on le réfute, entre guillemets, tandis que si on fait autre chose, pas nécessairement avec la volonté de faire une BD, parce que je pense que tu mentionnais Pascal Blanchet tout à l'heure, et je me suis dit, à un moment donné, si on lui demandait, est-ce que c'est de la BD, ce que vous faites, je suis pas sûr qu'il dirait oui, en fait. Moi, je l'ai déjà entendu répondre à cette question-là, puis il s'en fout. Je dirais, lui, il fait ses trucs, et puis est-ce que ça rentre dans telle ou telle définition? Pour lui, c'est un mode d'expression à la fois artistique et narratif. Et moi, je te dirais, tout ça fait partie d'une grande famille qu'on peut tout au moins appeler le récit en images, qui est sous forme imprimée, sous forme de livre. Et puis, voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Oui, à la limite, en fait... peut-être la question qu'on pourra se garder, soit pour mercredi ou soit après mercredi, c'est justement, est-ce que la classification qu'on fait de la bande dessinée est parfois trop restreinte, ou au contraire, est-ce que le terme bande dessinée s'est élargi au cours des années pour accommoder un peu tout ce qui est récit en images? Mais dans ce cas-là, j'ai presque envie de me sous-demander, mais qu'en est-il des romans jeunesse illustrés, des livres jeunesse illustrés? Est-ce que si on dit qu'un récit avec des dessins et images, ça peut rentrer dans les catégories récits en images BD, ben est-ce que ça aussi s'en est? C'est sans fin, cette question-là. C'est ça qui est plaisant. Là. Ouais, puis là, je t'écoute parler, puis je pense que la question va rester sans réponse. Vraiment, le plus notre entretien avance, plus je me rends compte que j'ai eu la bonne optique en me disant, j'essaierai même pas de répondre à la question. On va se la poser, tout simplement. Oui, puis en même temps, je pense que c'est ça qui devient stimulant aussi. Je pense que tu l'as bien dit, et on pourrait se laisser là-dessus. C'est cette idée, justement, de découvrir tout ce qui s'est fait autour des récits en images, de la bande dessinée au sens très élargi. Peut-être pour nous donner envie, nous aussi, de plonger dans ces expériences-là et d'élargir notre définition et notre chaîne de lecture aussi. Ben tout, t'as mentionné tout. Là, j'ai pas la présomption, la prétention de présenter quelque chose d'exhaustif, mais on va avoir une belle brochette. Il y a beaucoup, beaucoup de titres et beaucoup de formes différentes, d'esthétiques différentes. Et le mot-clé que tu as prononcé, c'est expérience. Évidemment, c'est des choses que j'ai lues ou relues ces dernières semaines, ces derniers mois, là. Et puis, ce sont vraiment des expériences de lecture, mais très diversifiées d'une à l'autre. Alors ça, c'est mercredi, donc avec les planches pour illustrer tout ça à la bibliothèque Gabriel Leroy à compter de 19h. C'est gratuit, pas besoin de réserver. Voilà. Michel Giguère, merci beaucoup. Et puis on se revoit... L'année prochaine? L'année prochaine. On est déjà rendu là. Après la fin du monde. Alors Michel Giguère, merci beaucoup. Et nous, ben, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On aura notamment Alex A. en studio, Isabelle Arsenault également en entrevue autour de ce livre, Jean Le Renard et moi. Alors, ben, ce sera un autre rendez-vous pour parler du 9e art. C'était Raymond Poirier au micro. C'était un plaisir d'être avec vous cette semaine et passez une excellente fin de semaine sur les ondes de CKRL.